Ya mariga langa e suka holy leader mama yeba kamole mana ya tabue mawana ya bosanaka na Molokai pena kati ya Molokai. Juste à cet rythme Westerman, les villages de Moloka. Pas la terre, pas la terre, pas la terre. Nos cités à Maneno. En rouge. Yeah.